En 43, si un celui-là qu'on volait, si un pôle et fait ses gisquets, il polait. Habitué à vivre dans la douleur, c'est pour ça semblable en moins délai. Kakole, yo savent très bien que système a yo mal fait. Nous t'es que dit ça qu'a fait yo plaisir. Les innocents qu'a prend balle en plein tête, yo pas net, non. Yo veut nous manger poisson à yo pour nous pétouffer, nous elle les arrête. A titre d'information, votre avis est facultatif. Je fais ce que je veux, y'a que Dieu qui me donne des impératifs. Et j'entends bien vivre comme je le sens, 100% moi-même, je me vends pas pour de l'or ou de l'encens. Rendez au banquier ce qui est au banquier, de toute façon il ne l'emportera pas dans l'au-delà. Ma petite planète est ensanglantée, je l'ai bien pigée. Ces chétans n'ont pas de pitié. Bella, Foumouk, en pocophile palais, ouais, je fais partie des gens qui ne se font pas apprivoiser. Attroupé, tous autour du succès, les valeurs que je défends se perdent en un seul couplet. Si t'es vrai et sincère, pas besoin de le dire, ça se verra. Je rajoute seulement ma pierre à l'édifice. T'es gentil, tu finiras comme Angela. Ils te pousseront à offrir ton âme en sacrifice. Savoure bien les prémices de la vie. L'être humain n'hésitera pas à te jeter au fond du précipice. Si on est proche, écoute bien. Si je te dis quelque chose, même si ça te blesse, c'est pas pour moi, mais c'est pour ton bien. Tellement d'incompréhension, ils osent le ton sans se remettre en question. Après, chacun assume ses choix. Société de consommation qui te fait croire que t'es quelqu'un lorsque tu possèdes un pouvoir d'achat. L'horreur fait partie de notre quotidien. Demain sera pas meilleur, ça c'est sûr et certain. On se bouffe les uns les autres pour des broutilles. Le respect, mais dites-moi où est-il? Les plus dangereux ne sont pas visibles. Triste à dire, mais les attentats en France, c'était prévisible. Tout est de leur faute, et pourtant, c'est nous qui sommes pris pour cible.